Comment ça? J'ai plus le droit de la toucher. Mais chérie, il faut pas m'empêcher. Elle est trop belle et ses vibrations m'invitent à toutes les tentations. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ses courbes, sa chaleur, tous ses cris, sous mes doigts baladeurs. Je l'invite dans mes bras tous les jours, bien plus souvent que toi, mon amour. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Non chérie, tu ne peux pas éviter. Cet amour enfiévré, comme le grand Bob à son pétard, le vieux fidèle à son cigare, la belle Céline à son vieillard. Je suis accro à ma guitare, je suis accro à ma guitare. Je suis accro à ma guitare. Chérie, je suis accro. Je vais coucher à ma guitare. Allez, viens. Je suis accro. Bon, allez, lâche-la maintenant. Viens te coucher. Bon, allez, je dois y aller. Bonne nuit, ma belle. À demain. Dors bien.